La main enchantée de Gérard de Nerval. Préface de Jules de Martold. En 1864, M. Rivail, ex-régisseur d'un des théâtres du boulevard, plus connu sous le surnom d'Alan Kardec, qui lui fut donné par un esprit, et dont, en 1861, l'Espagne avait en place publique brûlé les ouvrages, généralement dénués de sens commun, après jugement d'un tribunal religieux, était président de la Société Spirite, par lui fondée à Paris. Il se tenait là des séances hebdomadaires, où les soirées se passaient à interroger, antithèse, et les saints, et les suicidés. Gérard y fut donc appelé, et s'y voulut bien manifester plusieurs fois, en discours sans nul doute précieusement sténographié par les adeptes dont, à cette époque, était M. Victorien Sardou, curieux de toutes les manifestations humaines, et même extra-humaines, surnaturelles, ainsi qu'en fait foi la publication par la Société du voyage accompli par lui comme médium dans la planète Jupiter, opuscule démontrant comme l'esprit vient aux tables. Bon Gérard, est-il pas logique qu'illuminé, il attire les illuminés comme la flamme les papillons, et que le sort de son esprit soit d'être évoqué par les esprits, esprits évocateurs qui, hantés de chimères, se plaisaient à vivre la vie des autres, et, si j'ose allier les mots représentant ces choses et les choses représentées par ces mots, à incarner son âme dans l'âme de ceux-là qui les lisaient pour rêver leurs rêves, lui qui dormait si peu, et souffrir leur souffrir, car il fut surtout un mélancolique, un triste, un désemparé, à preuve cette absorption en lui-même, cet absolu détachement des choses de la terre, qui le menèrent au suicide par le même chemin de la folie que suivent les volontés usées par un obstiné contre-sort. Escarpé, réfractaire à l'action, étrange chercheur d'amour, n'arrivant jamais à mettre d'ordre en ses sentiments, grand poursuiveur d'images, Nerval vécut dans le passé beaucoup plus que dans le présent. Solitaire, aristocrate, se refusant au banal du réel où il perdait pied, et, pour échapper à l'âpre positivisme de l'actuel, se réfugiant dans l'intangible des autrefois légendaires, heureux de s'absenter de lui-même, comme assez justement, dit Gautier, et pour cette raison même, dissimulant volontiers ses écrits sous de nombreux pseudonymes, Lord Pilgrim, Aloysius Block, Fritz, etc., abandonné dès qu'éventé. D'où cette prédilection pour les refrains de jadis, ses échos, pour les libres nuits sous le libre ciel, pour les lointains voyages, d'où cette impossibilité de se fixer à rien et à nulle part, cette constante recherche d'un instable autre chose, inconsciente mais despotique aspiration à l'impossible, obsession de fantômes métaphysiques, espoir de l'irréalisable, chasse à l'insaisissable, être à hier ou cueillir des étoiles. Des étoiles, il en cueillit une, non pas dans le chant du ciel, mais sous le ciel du chant, autrement dit une cantatrice de l'opéra comique qui, le 31 octobre 1837, place de la Bourse, créa, dans une œuvre de lui, Piccilio, le rôle de Sylvia. Sylvie, titre de la dernière inspiration de Gérard en 1853. La blonde Jenny Colomb, surtout aimée d'imagination, à la gloire de laquelle il fonda un journal, Le Monde théâtral, ayant pour but de faire valoir celle en qui, un instant, il avait cru trouver la réalisation de son indécis idéal. Bonne fille, en somme, qui finit par quitter le banquier, hop, Trimalcion, offrant des raouts de 100 000 francs en cet hôtel de la rue Saint-Dominique où elle était reine, pour se donner tout entière au poète, et à quelques autres, avant de s'embourgeoiser, juste Dieu, en juste noce, et de devenir la légitime épouse d'un sieur le plus, flûtiste. Hélas, en ce Piccilio, dont la musique est de mon pouls, la belle Sylvia Jenny chantait « Je ne suis pas Phébé, la déesse voilée ». Oh non, bien que nocturne, rien moins que voilée, la déesse. Les illusions tombent l'une après l'autre, dit quelque part Nerval, comme les écorces d'un fruit, et le fruit c'est l'expérience. Aussi l'expérience, lui ayant apporté l'expérience, le pauvre amant dont, après les élégies nationales, le second recueil de vers est étiqueté « Petit château de Bohème », et qui, lors d'une grande fête donnée par Dumas, s'était montré déguisé en bohème prenant désormais son rêve pour la vie, désormais noctambule, inconsciemment voué à Isis, pareil à Francs et Gaulois qui comptaient par nuit et non par jour en raison du culte de la lune, suivit-il, en un perpétuel déambulement, cette pente douce et si fleurie qui conduit où il alla. Sylvie, qu'il appelle Lolotte, lui trouve un peu de ressemblance avec Werther, moins les pistolets qui ne sont plus de mode. Moins les pistolets, oui. C'est le gibet, en effet, qui le hante, dont il est possédé. La délicieuse nouvelle que nous rééditons aujourd'hui en vient témoigner. 11e chapitre, Obsession, le malheureux Eustache est enveloppé par une idée fixe, suffoqué par une vision ininterrompue, celle du gibet se posant sur tous les objets où passe son regard. Cette obsession, c'est l'auteur lui-même qui l'a subie. Comme Rabelais, Nerval aime Villon, Homère dépendu, souvente fois le cite, en fait l'éloge, et l'on sent, à sa claire, limpide et pittoresque écriture, qu'il a beaucoup pratiqué le poète de la pince et du croc, de la potence et des corbeaux. Coutumier du jargon, s'adonnant volontiers à l'argot, Nerval aime à s'annuiter à Montmartre, aux Halles, chez Barat, chez Paul Niquet, aux plus borgnes tavernes. Or, mystérieuse fatalité, inexplicable mais positive, c'est précisément en cette île de la Gourdaine, portant même nom que l'une des plus hideuses prisons du Châtelet, l'une des six privées de lit, s'étant la cité où, jadis, étaient 20 temples, sans compter la maison du Glatigny ou Val d'Amour, c'est précisément dans la même rue où fréquentait Villon, s'attablant chez Robin Turgis, pour conter Fleurette à sa femme, Marguerite Jolie, au trou de la pomme de vin vis-à-vis l'église de la Madeleine, détruite pendant la Révolution, ces rues de la vieille lanterne que, par une brumeuse, neigeuse et glaciale nuit, le jeudi 25 janvier 1855, le pauvre Gérard se vint accrocher, le chapeau sur la tête, au barreau d'un soupirail, devant la grille d'un égout, sur les marches effritées d'un escalier fangeux où sautillait un corbeau familier. 8 jours après ce meurtre où la folie a joué un plus grand rôle que la misère, dit Jules Janin, la maison, l'égout, la grille et la rue immonde ont disparu. Noir tableau, de saisissant crayon reproduit sur le champ en lithographie par Célestin Nanteuil, pour l'artiste, et par Gustave Doré, ce dernier épigraphant sa bizarre composition de ces vers empruntés au Cydalise du poète, l'éternité profonde souriait dans vos yeux, flambeaux éteints du monde, rallumez-vous aux cieux. Rue infâme, rue maudite, dont, en 1859, Léopold de Flamingue a donné une très émouvante impression en l'une des eaux-fortes du Paris qui s'en va, comme, d'après sa fresque du Café Génin, il avait lithographié Villon au cabaret de la Pomme de Pin. Votre horoscope porte la harpe, et rien ne vous en peut distraire, dit Maître Gonin à Eustache, lamentable héros de cette main enchantée. La même inévitable main possédée du destin a tracé l'horoscope de Nerval. Et, sans cesse, entre lui et la vie, se dresse, point noir, le gibet. Quiconque a regardé le soleil fixement croit voir devant ses yeux voler, obstinément, autour de lui, dans l'air, une tache livide. Ce n'est pas le soleil qu'a fixé Gérard, mais bien l'ombre. Car il s'est aventuré aux périlleuses ténèbres de l'occultisme, qui étouffe l'esprit, comme toute religion. Balzac, le robuste Balzac, refusa de fumer, ne fût-ce qu'une fois, l'opium, tenant à en ignorer même le goût. Nerval ne s'en est pas seulement plus qu'aux rimes du poète Villon, mais s'est aussi adonné à la prose de l'astrologue Antoine de Villon, en l'inextricable forêt des arbres de science, de bien et de mal, cueillant les amers fruits de la cabale. Et il a été touché de la toute-puissante commotion que produit l'éblouissante et grandiose Égypte, la terre mystérieuse. Comme Pythagore et Platon, il a vu Thèbes, le voile du temple s'est déchiré devant lui, il a pénétré l'impénétrable, il a dit la messe d'Isis à l'inépuisable bonté, il a chanté la litanie de la Vierge Mère aux 10 000 noms, âme de l'univers, fille du soleil, dame du ciel, régente des mondes, protectrice de la terre, reine de beauté, lumière des ténèbres, vertu génératrice, mère de la rosée, majesté divine. Il a deux fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant sur la lyre d'Orphée ses sonnets des chimères et du Christ aux oliviers d'aussi nobles pensées que de formes splendides. Mais, ayant gravi l'escalier des sages, la possession du pur secret des grands initiés, Rama, Krishna, Hermès, Moïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus, ne lui suffit pas. Avec Roger Bacon, il boit l'élixir des philosophes, et Laurent de Chirmont lui ayant livré les clés de la magie, il en sait bientôt autant que l'abbé sait faire sur les sciences maudites. Microcosme et macrocosme sont pour lui sans mystère. Rien de ce qui est étrange ne lui est étranger. Charme, sorcelage, enchantement. Il n'est alchimiste, devin, maléficier, noueur d'esguillettes, chevilleur, magicien, nécromancien, chiromancien, qui lui en puisse remontrer. D'alpha en oméga, d'aéromancie à uromancie, il est expert aux 100 espèces de magie et divination révélées. Il connaît les 40 propriétés de l'âme et la triple vie de l'homme de Jacob Böhme, le philosophe teutonique. Grâce à César d'Arcon, à Ikem de Martineau, il sait la raison du flux et reflux de la mer et a l'explication de la quadrature du cercle. Blaise de Vigenère lui a révélé la propriété du feu et du sel. Il est familier de Paracels, le grand et sublime docteur, de Raymond Lulle, de ses deux clavicules et de son art de mémoire. Et le mystère de la pierre philosophale est pour lui éclairci par Nicolas Flamel, auquel il a consacré un drame en prose, malheureusement perdu, œuvre où sans doute il donnait corps à la transmutation des métaux, comme en 1839, il a tenté d'indiquer des moyens de réforme sociale en son curieux et charmant drame de Léo Burckhardt, précurseur du moderne et tant spirituel Rabagas. Il s'est penché sur tous les abîmes, sur tous les gouffres, sur tous les vertiges, sur la science des magnétiques apparitions spectrales, revenants et vampires, avec Taillepied, Martin Del Rio, Le Loyer, Don Calmet, sur la science minérale et la médecine métallique, avec Glaubert, Duchesne, Basile Valentin, sur la science des distillations avec Alexis, sur la science des venins avec Jacques Grevin, sur celle des naissances et des horoscopes avec Arcandam, Auger Ferrier, Ranzao. Même, il connaît les universelles écritures de Trithemius et du jésuite Athanase Kircher et celle de Laurent Joubert, lequel, dès 1579, en son traité du Ris, projetait, en la pratiquant, la réforme de l'orthographe. Déjà, mon Dieu, les niais sont de tous les temps. Il a lu Palma Keye et à 18 ans a traduit Faust en 1828. Il a lu Rétif de la Bretonne et en 1850 dans la Revue des Deux Mondes a, d'analyse très vivante et très colorée, commenté M. Nicolas, l'ouvrage le plus raisonnable qu'on puisse faire entrer dans une bibliothèque des fous, a dit le bibliophile Jacob. Il a lu François de Belforest et a écrit La main enchantée où l'onguent sympathique de Sorel de Souvigny joue le premier rôle, maître Gonin, rompu à toutes les pratiques de sorcellerie, magie blanche et magie noire, semblant vraiment avoir étudié, approfondi, la physique de Scipion duplex, l'amphithéâtrum de Kunrat et le miroir des alchimistes de Bombast, qui, à la date où se déroule le petit drame strangulatoire, en 1609, venait de paraître. Malheureusement pour lui, si Gérard a compris l'utilité des voyages avec Baudelot de Derval, il n'en a été de même ni de la science du sexe féminin de Cornelius Agrippa, ni de l'antidote d'amour de Jean Aubéry. Et, après avoir parcouru le monde enchanté avec Becker, après être monté dans la lune avec Wilkins, qui imita Cyrano, rebelle à l'inoculation du bon sens de Célis, finalement vaincu dans le duel du destin, sceptique désespérant de toute foi prouvée à la suite de la Martinière, il est descendu dans le tombeau de la folie, jetant la clé de la vie pour aller apprendre le secret des secrets. Pauvre Gérard, au printemps, l'oiseau naît et chante. N'avez-vous jamais ouï sa voix? Elle est pure, simple et touchante, la voix de l'oiseau dans les bois. L'été, l'oiseau cherche l'oiselle, il aime et n'aime qu'une fois, qu'il est doux, paisible et fidèle, le nid de l'oiseau. dans les bois. Puis, quand vient la saison brumeuse, il se tait avant les temps froids. Hélas, qu'elle doit être heureuse, la mort de l'oiseau dans les bois. Hélas, pauvre Gérard, plus heureuse assurément que la fin du poète en la ville affairée, vaste océan d'égoïsme dont le flot se referme, indifférent, sur l'englouti. Que ces gentils versets écrits par toi et publiés dans les annales romantiques, 20 ans avant le dénouement tragique, te servent d'épitaphe en notre souvenir attendri. Vous allez lire, relire, La main enchantée. Enchantement de main de maître tracée, et dans ces 14 petits chapitres, toute une époque va revivre devant vous, grâce à la plume du conteur, comme aussi grâce au crayon délicat, exact et spirituel de M. Marcel Pile, un artiste dont Gérard serait ravi, lui qui si bien connaissait son vieux Paris et tant l'aimait. Vous y verrez cette place, depuis la naissance de Louis XIII, depuis 1601, appelée place Dauphine, et qu'on venait d'agrandir, en comblant divers petits bras de la Seine par l'adjonction des îlots de Bussy où était un moulin et de la Gourdaine où avait été un bûcher, celui de Jacques de Molay, brûlé vif en 1314. Borné sur la rive droite par la place des Trois-Maries, sur la rive gauche par les deux arcades des Augustins, vous y verrez le pont neuf, commencé par Ducerceau, achevé par Charles Marchand, le nouveau pont neuf, tout éclatant, tout aveuglant de blancheur. L'ancien, reconstruit en bois depuis 1416, occupait l'emplacement actuel du pont Saint-Michel. Le nouveau pont-neuf, dont Henri III avait, le 30 avril 1578, posé la première pierre, le soir du même jour où, le matin, il avait en grande pompe posé la dernière pierre sur les cadavres de ses mignons, Quélus et Maugiron. Le pont-neuf, dont Henri IV avait pu effectuer la périlleuse traversée le vendredi 20 juin 1603, mais qui n'était vraiment livré à la circulation que depuis 1607, où, dès lors, Tirelaine et vendangeurs de côté, lisaient Coupeur de Bourse, s'étaient aussitôt installés, socialistes collectivistes cherchant moyen de moyenner la moyenne fortune, comme dit le sieur d'Esterneau, gentilhomme et poète. La naïve indignation de l'excellent Thomas Sonnet, n'ayant pas encore fondé la réputation de Tabarin, dédaignant le pédantisme du batteleur Desiderio Descombes. Vous flânerez à la parade d'Il Signor Hieronimo, se brûlant vif et se navrant de coups d'estoc pour se guérir instantanément à l'aide de son baume, unique et merveilleux, que Galinette la Caline, son aboyeur, débitait aux badauds ébahis. Mais surtout, vous vous arrêterez devant les tours et la faconde de Maître Gonin, joueur de gobelet incomparable, hableur sans pareil, dont le nom était si bien synonyme d'habile et de fourbe, que la malice parisienne, pour se venger des tours de jésuites de Richelieu, plus d'une fois qualifia l'homme rouge de Maître Gonin, et qu'en 1713, l'auteur des Imaginations de Monsieur Houffle, le Bordelon, publia les tours de Maître Gonin en 2 gros volumes. Vous verrez aussi le château Gaillard et sa ronde tour, dont les pieds baignaient dans le bourbier qu'était la Seine. Bâtiment hétéroclite, ni prison, ni forteresse, ni abri, ni colombier, ni phare, ni lanterne, ne servant à rien, où l'arracheur de dents Jean Briochet installa ses fameuses marionnettes qui, en Suisse, faillirent le faire condamner au feu comme sorcier, et dont Cyrano, d'un grand coup d'épée, tua le singe, prenant le pauvre animal pour quelque humaine créature se permettant de faire grimace à son nez. Vous compatirez, enfin, aux transes, aux affres tragi-comiques, ou plutôt comiques que tragiques, de l'excellent et doux Eustache Boutroux, pauvre petit courtot de boutique, se trouvant tout à coup face à face, horrible vision, d'abord avec la terrifiante perspective d'un combat singulier, ensuite avec l'obsession du remords et surtout l'angoisse des suites de l'affaire. Les suites de l'affaire, chose grave, 1 an à peine après que le bon roi Henri venait de doter son peuple d'une loi sévère contre le duel. Et, bien entendu, votre esprit sagace ne manquera pas de remarquer à quel point ce conte bleu est plein de philosophique sapience et de profonds enseignements. Qu'allitéra qui en font une œuvre de la famille de Pierre Schlemihl, le héros de Chamisso, croyant pouvoir aliéner impunément un don de la nature en vendant son ombre, tandis que celui de Nerval tente de s'en attribuer un de plus. Très juste symbole de la réalité, cette main, entraînant son possédé et possesseur à des actes paradoxalement opposés, contraires à son vouloir. Combien de gens dans la vie décident, malgré qu'ils en aient, de leur propre malheur, poussés par on ne sait quel démon intérieur plus puissant qu'eux, impulsion inanalysable, mais despotiquement positive, magie ignorée, menant les âmes, irrésistible force, grâce à laquelle le cul-de-jatte a des ailes pour voler à sa perte. Tous les hommes ont un peu le talon d'Achille, tous les hommes aussi ont un peu la main de gloire. Et par-dessus tout, en cette édition, de si délicate aristocratique, parfaite élégance, dont il convient, au nom des lettrés, de remercier M. Carteret, pareil livre étant stèle pieusement élevé à une immortelle mémoire, hommage de l'avenir au passé, par-dessus tout, loisir vous sera d'admirer le style de ce conteur exquis. D'esprit indépendant, librement personnel, de la fournaise romantique traversée sans la moindre brûlure gongorifique, Nerval sut se dégager absolument, conservant cette écriture fine, légère, clairement philosophique, parée de la simplicité, de la grâce enjouée, qui demeure le secret des maîtres de notre France, Voltaire, Diderot, Claude Tillier, précieuse vertu assurant noble place dans le panthéon bleu de nos gloires à Gérard de Nerval. Nous donnons ici un portrait du poète, portrait de jeunesse, non celui de El Flamingue. Eau forte, montrant l'écrivain assis en un fauteuil, la tête de face, avec barbe en collier, mais la lithographie de Charles Lebrun, d'après le médaillon de Jean du Seigneur, daté de 1831, c'est-à-dire modelé à l'instant même où sonnaient les beaux 24 ans du poète, tout juste la moitié de sa vie. Jules de Martold.